rêvez de faire une grande carrière scientifique, de renverser la table et de produire les concepts qui façonneront le monde de demain. Mais problème, vous avez eu zéro en maths au bac. Ne désespérez pas, Henri Poincaré, immense mathématicien, physicien et philosophe des sciences, était comme vous, scientifique et littéraire, théoricien et expérimentateur, bourgeois et rebelle. Poincaré était un scientifique de tous les contrastes, un mathématicien hors pair qui a contribué à l'émergence de la théorie de la relativité restreinte qu'Einstein formulera en 1905. C'est l'histoire de l'un des derniers savants universels que nous allons vous raconter aujourd'hui. Henri Poincaré à la ligne, c'est donc le programme universel que nous allons, qui va être le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger dans la vie et la carrière ô combien riche d'Henri Poincaré, j'ai le plaisir de recevoir deux invités de marque aujourd'hui. Étienne Gis, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche CNRS à l'unité de mathématiques pures et appliquées à l'ENS de Lyon. Et nous sommes en ligne avec Christian Bracco, bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, chercheur dans l'équipe Histoire des sciences astronomiques du département SIRT à l'Observatoire de Paris. Mais on commence par les toutes dernières actualités scientifiques avec le Journal des sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec cette étude parue dans la revue de Lancet. L'antibiorésistance est devenue l'une des principales causes de décès dans le monde. Et à force d'avoir été exposé aux antibiotiques, les bactéries ont développé des résistances et les médicaments ne fonctionnent plus. Pour la première fois, une équipe américaine a quantifié le phénomène et montre l'ampleur des dégâts causés par l'antibiorésistance. Les chercheurs ont analysé les dossiers médicaux de 471 millions de personnes dans 204 pays sur l'année 2019. En 2019, il y a eu 4,95 millions de morts associées à la résistance aux antibiotiques, dont 1,27 million qui sont morts à cause de bactéries résistantes. Alors c'est beaucoup plus que le palu, responsable d'environ 627 000 morts, et plus que le VIH qui a causé 680 000 morts en 2019. Cette étude prouve que l'antibiorésistance est devenu un problème de santé publique énorme. Pascal Cossard est professeur en microbiologie cellulaire à l'Institut Pasteur et secrétaire perpétuel honoraire à l'Académie des sciences. Enfin, c'est une étude énorme. Alors, les choses ont été faites de façon extrêmement propre et en plus, ils en sortent des résultats qui sont très convaincants, qui montrent par exemple que les 6 bactéries pathogènes responsables de mort associées avec la résistance aux antibiotiques, il y a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter bovani et Pseudomonas aeruginosa. C'est 6 bactéries très, très importantes. Ils ont des chiffres qui sont très impressionnants, c'est-à-dire qu'ils montrent qu'en l'an 2019, il y a eu 4,95 millions de morts associées à la résistance aux antibiotiques, dont 1,27 million qui sont morts vraiment dus à cause de bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors quand on sait qu'il y a à peu près 56 millions de morts par an dans le monde, ça veut dire que les bactéries résistantes aux antibiotiques, en 2019, elles sont déjà résistantes de 10% de tous ces dégâts. Donc on arrive à des chiffres qui sont des chiffres qu'on n'attendait pas il y a 15 ans, 20 ans. Donc maintenant, on le sait, c'est un grave problème de santé publique et que ça ne fait que augmenter. On se demande vraiment si tout le monde a bien pris conscience de ce problème. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, on a, avec au moins les techniques qui étaient utilisées, on a essayé de trouver beaucoup, beaucoup d'antibiotiques, mais on n'en trouve plus. Une des recommandations de l'article qui a été publié hier, c'est de dire qu'il faut renforcer la recherche pour trouver de nouveaux antibactériens. Dans l'article, ils disent que d'abord, il faudrait éviter qu'on ait des infections, par exemple, en étant vacciné. Donc, c'est encore une fois le conseil qui est donné par les auteurs, ce serait bien d'avoir des vaccins. Il faut évidemment, dans les pays où ça n'existe pas, augmenter les mesures d'hygiène, faire que l'eau soit potable partout, etc. Bon, et puis, il faut éviter l'exposition aux antibiotiques. Et le problème, il est non seulement énorme, mais il augmente. Et donc, il faut absolument éviter de donner des antibiotiques à des gens qui ont des petites infections qui ne nécessitent pas l'utilisation d'un antibiotique. Et vous pouvez retrouver cette étude importante, comme le disait Pascal Cossard, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Environmental Science and Technology, nous avons dépassé une nouvelle limite planétaire, celle de la production massive de produits chimiques. Le plastique, les pesticides, les produits chimiques industriels, cosmétiques ou pharmaceutiques. Depuis les années 50, la production chimique mondiale a été multipliée par 50. Et elle inonde notre planète. Une production qui devrait encore tripler d'ici 2050. Alors dans cette méta-analyse, une équipe internationale montre que la production mondiale de produits synthétiques et chimiques est devenue hors de contrôle. La vitesse de production et la prolifération de ces produits dépassent à présent nos capacités de surveillance afin de bien en évaluer les risques sur l'environnement. Les chercheurs appellent donc les gouvernements à limiter la production des produits chimiques synthétiques, à l'instar des gaz à effet de serre, et ils nous encouragent à passer à une économie circulaire. Voilà, nous avions hier traité la question des microplastiques atmosphériques. On va vous remettre le lien une fois de plus sur notre fil Twitter. En bref, toujours Natacha, selon The Astrophysical Journal Letters, les méga constellations de satellites parasitent déjà les observations astronomiques. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les mini-satellites privés allaient être problématiques pour les sciences astronomiques. Une équipe internationale a examiné l'impact des 1800 satellites de la constellation Starlink d'Elon Musk sur les images capturées par le ZTF de l'observatoire Palomar en Californie. Alors sur les images crépusculaire, une image sur cinq est parasitée par un de ces satellites. Ces images crépusculaires sont importantes pour la détection d'astéroïdes géocroiseurs. D'ici 2027, il devrait y avoir 10 000 satellites de SpaceX en orbite, et c'est sans compter ceux de OneWeb et d'Amazon, ce qui signifie que très prochainement, toutes les images crépusculaires seront endommagées par cette pollution spatiale. Et enfin, une bonne nouvelle quand même pour finir ce journal. On en manque. L'UNESCO, Natacha, a annoncé la découverte d'un immense récif corallien dans l'océan Pacifique. Et au large de Tahiti, de 35 à 70 mètres de profondeur, les chercheurs ont découvert un récif large de 70 mètres et qui s'étend sur plus de 3 km. C'est la première fois que l'on découvre un récif de cette taille, à ces profondeurs, dans cette zone que l'on appelle la zone crépusculaire de l'océan. Alors que les coraux souffrent particulièrement du changement climatique, ce récif géant est vierge et en excellente santé. L'UNESCO a rappelé que seuls 20% des fonds marins de la planète ont été cartographiés. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le journal des sciences de la semaine. On dit d'Henri Poincaré qu'il est l'un des derniers savants universels, mathématicien brillant, rebelle même, tant sa façon de bousculer la doxa, fondateur de la topologie algébrique, précurseur de la théorie du chaos et du problème à trois corps. Poincaré s'est également penché sur la mécanique des corps célestes, sur la radioactivité. Il a contribué à l'émergence de la TSF et à côté de ses activités de sciences dites dures, Poincaré a également publié plusieurs recueils de philosophie des sciences ainsi que des ouvrages de vulgarisation, le tout en affirmant ne travailler, selon lui, que 4 heures par jour. Un parcours aussi éclectique que brillant qui lui vaudra d'être à la fois élu à l'Académie des sciences et à l'Académie française. Écoutez ce que dit de lui Louis de Broglie, l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Poincaré a su faire œuvre, ce qui est assez rare chez les mathématiciens comme lui, presque de technicien. Il s'est occupé notamment des débuts de la TSF, qui était alors une science toute jeune. Il en a suivi tout le premier développement. Il a fait des cours sur ce sujet, et des cours s'adressant souvent à des ingénieurs, comme ses cours à l'École supérieure des télégraphes. Et il a même fait un petit livre de la collection Scientia, que j'ai lu autrefois, dans lequel étaient décrits tous les dispositifs de la TSF qui étaient encore dans son enfance, mais c'était un livre qui avait un caractère presque technique, ce qui montre la diversité du génie d'Henri Poincaré. Et il faut encore le considérer comme un précurseur des théories d'Einstein. Oh, bien entendu, il a joué un rôle très important. Il avait étudié la théorie de Lorentz, d'où est sortie un peu la théorie d'Einstein, et il avait trouvé un certain nombre de choses, notamment en ce qui concerne la formule de composition des vitesses, qui ont été retrouvées plus tard par Einstein. Il était convaincu de l'exactitude du principe de relativité, et il a écrit dans certains de ses livres, notamment dans ses livres de philosophie des sciences dont vous parliez tout à l'heure, des passages qui pourraient être signés par Einstein. Et néanmoins, ce n'est pas lui qui a découvert la théorie de la relativité en tant que théorie physique. Voilà, Louis de Broglie, nous sommes en 1954 sur la radiodiffusion française. Alors, on peut peut-être balayer tout de suite, comme ça, oh, ce sera fait, cette espèce de légende qui veut, comme le raconte à nouveau Louis de Broglie, que Poincaré aurait, entre guillemets, raté la relativité restreinte. C'est évidemment plus complexe que ça, mais c'est un topos de l'histoire des sciences, Étienne Gys. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est intéressant de ce qu'on vient d'entendre. Mais en histoire des sciences, la question de savoir qui est le premier qui a fait ceci, qui est le premier qui a fait cela, est souvent une des questions un peu vaines et sans objet. Tout à fait. Christian Bracco, une réaction à cette archive et à ce mini-portrait de Louis de Broglie. Oui, il y aurait beaucoup à dire, mais on va pas avoir ça va pas être le but de l'émission. Mais disons qu'effectivement, de Broglie termine en disant qu'il parle de qu'il n'a pas porté cette théorie physique, et c'est vrai que c'est pas son objectif à Poincaré de porter une théorie physique. En fait, c'est comme le dit de Broglie également, il y a vraiment un dialogue par rapport à Lorentz dans ce que fait Poincaré. Maintenant, effectivement, bon, peut-être j'en dirai un mot tout à l'heure si on parle des articles scientifiques de Poincaré de 1900 à 1905, mais vraiment il essaie de mettre en perspective à la fois à travers les grands principes de la physique, dont le principe effectivement de relativité, comme le rappelle de Broglie. Et il utilise des outils mathématiques qui sont à l'époque peu à la portée des physiciens, hein, par exemple je dis juste comme ça, je lâche l'invariance de l'action par un groupe de transformation, hein. Il participe à cet avènement, mais voilà, c'est un ensemble qui va se poursuivre. En fait, la relativité restreinte, c'est un ensemble qui se poursuit jusqu'à 1910 à peu près, et qui va être couronné par l'ouvrage de Max von Laue, voilà, qui reprend un peu finalement tout ce qu'a été les contributions depuis Lorentz, Poincaré, Einstein en particulier, notamment Minkowski, Planck. Voilà, c'est vraiment une aventure qui va durer sur 5-6 ans. On va explorer toute cette carrière foisonnante d'Henri Poincaré. Peut-être en guise d'introduction, Étienne Gys, on l'a entendu, j'en parlais dans l'introduction à cette émission, hein, scientifique et littéraire, théoricien, expérimentateur. Quand on se penche sur les travaux de Poincaré, quelque chose ressort sur la façon qu'il avait de mener ses travaux et sur finalement une façon assez singulière de penser, de mettre en forme ses résultats. On a le sentiment que plus que les conclusions, c'est les chemins qui sont très innovants et les chemins de pensée de Poincaré. Tout d'abord, si vous me permettez, Nicolas, de vous indiquer une erreur que vous avez commise. Je vous en prie. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Poincaré était expérimentateur. Oui, c'était... Je pense qu'il devait être très maladroit de ses mains. Je pense que si on lui mettait un tournevis ou un oscilloscope entre ses mains, il devait probablement le détruire en quelques minutes. il était vraiment maladroit. C'était un des commentaires que faisaient les gens qui le côtoyaient. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ce que vous indiquez maintenant, c'est que dans l'esprit de Poincaré, tout cela n'était qu'une seule et même chose. Son travail de mathématiques pures, son travail de physique, ou même, comme disait Louis de Broglie, ses cours extrêmement concrets sur la TSF. Il a écrit un article, par exemple, qui s'appelle « Sur le récepteur téléphonique ». Ou bien, je me souviens, par exemple, d'avoir été impressionné du côté de la fin du 19e siècle, au moment où il faisait des recherches très théorique et très pur, de théorie des nombres. En même temps, il était professeur à la Sorbonne et il enseignait un cours qui s'appelait « Mécanisme ». Et dans ce cours, il expliquait comment il fallait découper les roues dentées, comment étaient les engrenages, etc. Pour lui, il y avait une énorme cohérence dans tout ce qu'il disait. Et en effet, on parlait tout à l'heure de Lorentz, la composition des vitesses, comme disait de Broglie. Mais tout cela, dans l'œuvre de Poincaré, tout cela entre dans une grande cohérence qui va depuis la géométrie non euclidienne, la théorie des groupes, tout cela était une seule et même chose. Et c'est ça qui est assez fascinant chez lui, c'est que c'est très difficile de séparer les différents constituant de son œuvre. Oui, plus qu'expérimentateur, c'était effectivement un peu un peu épais. J'aurais dû dire plutôt de la science théorique à la science appliquée, puisqu'il avait un vrai goût effectivement pour les sciences appliquées. Vous êtes pardonné. Alors on va pouvoir poursuivre cette émission. Merci beaucoup, Étienne. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc d'Henri Poincaré en compagnie d'Étienne Gis et de Christian Bracon. On va revenir donc au tout début de cette histoire. Elle commence le 29 avril 1854 à Nancy. Peut-être qu'on peut redire un mot, Christian Bracon, du contexte scientifique dans lequel arrive Henri Poincaré. On est donc dans la deuxième moitié du 19e siècle et c'est vraiment le moment des grands bouleversements, du grand remembrement des différentes sciences et notamment de la physique. Peut-être avant de l'écouter, si je peux me permettre. Ah oui, Étienne. Il est né la même année que Rimbaud. Et je trouve que c'est intéressant de dire ça, parce que l'œuvre de Poincaré commence quand celle de Rimbaud se termine. Tout ça donne un petit éclairage. C'est intéressant. Christian Bracon, peut-être pour donner un peu du contexte scientifique, justement, au moment de la naissance et au moment où arrive finalement Henri Poincaré sur la scène scientifique. Oui, alors je vais juste me permettre de rebondir très rapidement. Effectivement, si on prend la photo d'Henri Poincaré quand il rentre à l'école polytechnique en 1873, on voit une photo qui ressemble à Rimbaud. c'est vrai. Il a cette je rejoins tout à fait Étienne Gis aussi sur cette absence de frontières qu'on voit chez Poincaré, qui lui permet en fait de traiter tout un ensemble de sujets qui pour d'autres seraient indépendants. Mais les traiter avec une extrême continuité. Et pour ses cours à la Sorbonne, notamment, c'est assez fantastique. Hein. C'est 3000 pages, plus de 3000 pages de cours en l'espace de 10 ans sur à peu près tous les sujets de la physique. Et il passe en revue les différentes théories des physiciens d'époque et il les passe au crible d'une analyse critique par rapport aux principes de la physique en cherchant quelles sont les plus prometteuses pour l'avenir. Donc voilà, ça devait être assez enthousiasmant d'avoir Poincaré comme enseignant, surtout qu'il y a un effort pédagogique dans ce qu'il fait. Voilà, c'était juste pour rebondir sur les cours avant qu'on passe à autre chose. Très bien. Et par rapport à votre question sur les grands bouleversements, effectivement, c'est vrai, en particulier, cette deuxième partie du 19e siècle, c'est l'avènement, en fait, le développement c'est la seconde industrialisation, hein, c'est le développement de l'industrie électrique, c'est le développement des chemins de fer. Et donc ça va être un moment vraiment particulier dans le développement des sciences, dans leur lien avec l'industrie. Les expositions internationales jusqu'à présent aménageaient une certaine place pour la physique, mais par exemple l'électricité va acquérir en fait en 1881 avec l'exposition internationale de Paris une première exposition en fait pour elle-même avec toutes les découvertes qui ont été faites à ce moment-là. Donc notamment la plus importante, ça va être les différents types d'ampoules, hein, pour l'éclairage des villes, etc. Mais après il y a aussi le téléphone, voilà. Donc je vais pas parler d'Einstein, hein, mais simplement pour dire que les parents d'Einstein, son père et son oncle, sont dans ce milieu-là. Ils ont une entreprise qui traite de ça. Et Poincaré va être les scientifiques sont sollicités en fait par cette industrie et les liens sont très forts, effectivement. Henri Poincaré est né dans une famille bourgeoise. Son cousin Raymond deviendra même président du Conseil et président de la République française. Un mot, j'aime bien cette formulation que vous avez, Étienne Gis, vous dites il a tout finalement d'un bon bourgeois, mais à l'intérieur de lui, c'est un pur rebelle. Ben moi, c'est ça que je trouve assez intéressant, parce qu'en effet, quand on voit ces photos... On voit en effet le bon bourgeois parisien, parfaitement inséré dans son milieu. Nancéen, en l'occurrence. Non, mais il est arrivé à Paris très tôt. Ouais. Hein. Mmh. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est que, encore une fois, son œuvre, c'est au moment de Zola, c'est Germinal. Hein, et Poincaré a eu l'occasion, à l'issue de l'école polytechnique, de faire un stage dans les mines. Donc il est passé complètement à côté de la vie sociale. C'était vraiment en effet l'industrialisation, mais d'un point de vue politique, on peut dire c'était un bon bourgeois bien rangé. Mais quand on regarde ce qu'il écrit, on ne peut qu'être stupéfait par le rebelle, vraiment on dirait Rimbaud, quoi. C'est-à-dire qu'il est là à chaque fois qu'il écrit un article, il casse des frontières, il invente de nouveaux paysages, c'est un créateur absolument stupéfiant. Et c'est ça qui me plaît dans la dualité entre ce bon monsieur sans problème extérieur et puis qui fait des révolutions chaque jour ou presque. Sur cet esprit novateur, sur cet esprit rebelle et sur ce tout début de carrière, je vous propose d'écouter un autre extrait sonore issu de la radiodiffusion française qui décrit ses débuts à Nancy, ce jeune prodige en mathématiques. Nous sommes en 1953. J'ai dans ma classe à Nancy un monstre de mathématiques, c'est Henri Poincaré. Ainsi s'exprimait Eliot un jour en 1872. Poincaré avait 18 ans. Un an plus tard, il entrait premier à l'école polytechnique et il est devenu un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Mathématicien il était, mais aussi physicien, astronome, mais encore écrivain et philosophe. En 1873, à 19 ans, il reçoit le premier prix de mathématiques du concours général des lycées et collèges, et son correcteur, Rollier, est émerveillé. Encore aurait-il fait des fautes de calcul, déclare-t-il, encore n'aurait-il point achevé sa copie, que je l'aurais encore placé premier, hors ligne, rien que pour la façon dont il avait posé la question. On se presse à ces examens oraux où Poincaré, simple, lucide, propose plusieurs démonstrations, plusieurs solutions à un problème, commençant de forger une réputation exceptionnelle. Il déconcerte ses condisciples par sa puissance de travail. Sorti de Polytechnique, il entre à l'école des mines. Devenu ingénieur, il est vite détaché à la faculté des sciences de Caen en 1879, puis à celle de Paris en 1881. Il assure d'innombrables cours, analyse mathématique, mécanique physique et expérimentale, calcul des probabilités, physique mathématique, mécanique céleste. À 30 ans, Henri Poincaré découvre les fonctions fuchsiennes du nom de Fuchs, qui avait publié un ouvrage essentiel, mais incomplet, sur les équations différentielles linéaires. Découverte capitale, car elle donnait la clé de nombreux problèmes jusque-là insolubles. Et puis, toujours avec bonheur, comme en se jouant, Henri Poincaré aborde presque tous les aspects des mathématiques, publiant au total près de 400 mémoires et notes de mathématiques, de physique et d'astronomie, 25 livres et cours originaux et 4 volumes de philosophie. Voilà, un résumé de ce début de parcours scientifique d'Henri Poincaré, où on entend hein, à nouveau dans cette archive, j'ai lu que quand il soutient sa thèse en 1879 consacrée aux propriétés des fonctions définies par les équations aux différences partielles, sa thèse est jugée un peu confuse par les membres du jury qui vont quand même lui donner une excellente note. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est qu'il y a une façon iconoclaste finalement de formuler justement ces idées nouvelles, Étienne. Bon, d'abord, il faut savoir que lorsqu'il a soutenu sa thèse, à l'époque, les membres du jury, il y avait 3 membres dans le jury, devaient voter pour savoir si le docteur a été reçu ou pas. Et le rapport de thèse dit qu'il a eu sa thèse par 2 boules blanches contre 1 boule noire. Donc l'un des membres du jury n'était pas pour. Et en effet, quand on lit sa thèse... je ne sais pas si j'aurais mis une boule blanche ou une boule noire. Parce que, à la vérité, c'est quand même extrêmement confus. Beaucoup de choses ne sont pas justifiées. Il va de l'avant, il ne se pose pas de questions. Il y a des lettres qu'il écrit à sa fiancée à l'époque, qui deviendra sa femme plus tard, pour dire qu'il n'est pas bien content de la façon dont ses maîtres jugent ses écrits, parce que lui, il n'est pas précis, il avance, il n'a pas peur de faire des erreurs. S'il a fait des erreurs, ben c'est pas bien grave. Donc les textes sont parfois compliqués à lire et pas tout à fait clairs. Christian Bracco, sur cette archive, effectivement, sur cet aspect un peu brouillon, finalement, de ses premiers travaux d'Henri Poincaré. Écoutez, c'est surtout, moi je réagirais surtout par rapport donc à l'acronyme fonction fuchsienne, etc. Il y a eu un peu une discussion à l'époque dans le milieu mathématique parce que Poincaré, en fait, c'est biographes, hein, Darboux et Appel qui le disent, hein. Poincaré, en fait, donnait le nom à des, par exemple, le nom de Fuchs à des fonctions ou fonctions fuchsiennes, mais finalement en allant beaucoup plus loin que ce que la personne avait vu. Il fera un peu la même chose avec les transformations dites de Lorentz, qui sont écrites tout à fait différemment et d'un emploi très différent sous la main de Poincaré. Et ça se retrouve à d'autres occasions. Voilà, à chaque fois, il donne plus aux gens à partir du moment où ils considèrent qu'ils ont initié, en fait, le champ disciplinaire. Après, dans sa rédaction, quand il va écrire ses articles scientifiques, bon, on dit de lui qu'il les écrivait un petit peu à la file, comme ça, hein, tout d'un trait, quasiment sans revenir sur ce qu'il faisait, quasiment sans rature. Mais ça se ressent aussi par une certaine confusion. Donc là, je rebondis sur l'aspect confusion, dans le sens où, pour un lecteur moderne, c'est difficile de s'y retrouver. On a l'impression qu'il y a des retours perpétuels, en fait, parce qu'il est dans un dialogue. Il est, par exemple, sur l'article en 1905, il est dans un dialogue avec Lorentz. Et donc, il va montrer par A plus B, puis il va refaire une démonstration, puis il va revenir en arrière. Mais à chaque fois, ça se comprend quand on comprend le contexte dans lequel il est. Mais lui, il écrit ça, en fait, non pas de manière axiomatique. Il fait pas une présentation propre et comme comme les physiciens aiment bien, il va dialoguer avec Lorentz dans un papier de 50 pages, quoi. Je peux donner un exemple que je trouve intéressant dans un article qu'il écrit sur la figure des masses fluides en rotation dans l'espace. Il écrit cet article et à un moment, il donne une démonstration, peut-être de 2 pages, 3 pages. Et après ces 2-3 pages, il écrit « La démonstration qui précède n'est pas rigoureuse. » Et il conclut en disant « Mais lorsqu'il s'agit de mathématiques appliquées, on n'a pas besoin de la même rigueur qu'en théorie des nombres. » C'est-à-dire que Poincaré a conscience du fait que ce qu'il écrit, disons-le clairement, ne tient pas la route, mais que ça tiendra la route dans 30 ans, 50 ans, et aujourd'hui, n'importe quel étudiant en master peut compléter les 3 pages en question pour les rendre solides. Mais il avait le senti, il savait qu'il avait raison, mais le fait de dire des choses imprécises ou à moitié correctes, s'il en était convaincu, eh ben, il continuait sans se poser de questions. C'est intéressant ce que vous dites, Étienne Gisson. On va revenir dans un instant sur ces différents apports théoriques, notamment en mathématiques. On va parler de topologie algébrique, etc. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est justement l'importance de l'intuition. Poincaré a cette conception du rôle de l'inconscient dans la démarche scientifique et finalement de l'instinct en quelque sorte. Il a écrit beaucoup sur l'invention mathématique, sur le rôle de l'intuition, qui est sans aucun doute le mot clé dans l'interprétation de Poincaré. Tous les mathématiciens, tous les scientifiques en général ont besoin d'intuition, bien sûr, mais lui il le mettait en avant comme une qualité première. Et il n'hésitait pas d'ailleurs à décrire ses intuitions dans ce qu'il écrivait. Je trouve que c'est une manière d'écrire que les Français n'aiment pas beaucoup. Hein. Les mathématiciens français, en général, n'aiment pas le style d'écriture de Poincaré parce que souvent c'est un peu faux, souvent c'est pas complètement défini, etc. Vous avez un exemple, justement, de la façon dont il met en scène ses propres intuitions ? Donc, il a écrit cet article dont j'ai oublié le titre à l'instant, dans lequel il décrit, justement, la manière dont il a découvert ces fameuses fonctions fuchsiennes. D'ailleurs, c'était pas à 30 ans, mais c'était plutôt que 30 ans. Et il est retourné quelques années plus tard sur qu'est-ce qui s'est passé dans son inconscient. Il parle beaucoup d'inconscient. C'est le fameux épisode où il faisait une excursion géologique et il monte dans un autobus et en mettant le pied sur la marche de l'autobus, tout à coup, jaillit dans son esprit, toute la théorie des fonctions fuchsiennes arrive en bloc. Il rentre dans l'autobus, il continue la discussion avec ses amis, et le soir, il se met à sa table, et il écrit la théorie des fonctions fuchsiennes, pouf, de A à Z, sans effort. Et il a écrit longuement sur cet épisode, il a essayé de retracer comment, dans la période qui a précédé ce flash, il a fallu qu'il travaille, et puis il a fallu qu'il ait aussi un temps de maturation, et c'est un texte merveilleux sur l'invention mathématique, et le titre de cet article que je recommande à tout le monde parce qu'il est, on peut tout à fait le comprendre sans comprendre vraiment le contenu mathématique. Christian Bracco, un mot là-dessus. On peut peut-être rentrer justement sur ces travaux sur les fonctions fuchsiennes qui vont déboucher sur ce qu'on appelle aujourd'hui la topologie algébrique dont Henri Poincaré est le fondateur. Ah ben écoutez, là je suis pas la bonne personne pour vous répondre sur ce point-là. Je pense que Monsieur Gis le fera bien mieux que moi. Par rapport à l'intuition, effectivement, on pourrait aussi rajouter le fait que Poincaré disait que non seulement la physique en fait créait des questions pour le mathématicien, mais qu'elle lui fournissait aussi des moyens de répondre. Et il cite à un moment des travaux de Félix Klein, donc mathématicien, par rapport à une sphère métallique sur laquelle on placerait des électrodes en fait et on regarderait comment se dessinent les lignes de champ. Donc voilà, il avait cette idée que cette intuition en fait pouvait se nourrir aussi de la physique, de ce qu'apportait la physique. Maintenant sur la topologie, je préfère laisser la parole à Monsieur Gis. Vous le disiez tout à l'heure, Étienne Gis, en 1880, donc il n'a pas encore 30 ans puisqu'il est né en 54, il a encore 20. Oui. Et à vrai dire, c'était même encore avant, puisqu'il avait participé à un prix de l'Académie des sciences qui impliquait qu'on envoyait son mémoire de manière anonyme. Et donc, pendant cette période d'anonymat, en quelque sorte, il avait déjà travaillé. On dispose de ses manuscrits de l'époque. Donc, il a commencé très jeune. Et puisqu'on parlait à l'instant, moi je dis pas Klein, je dis Klein. Puisqu'on parle de Félix Klein à l'instant, c'est très intéressant puisque quand Poincaré, jeune homme, a découvert ces fameuses fonctions fuchsiennes, il a reçu une première lettre de Félix Klein qui était plus âgé, plus expérimenté. C'était un professeur allemand dans une chaire bien établie. S'est établi une correspondance entre les deux, où c'était le professeur allemand qui s'adressait initialement aux petits jeunes qui ne connaissaient rien. Et en quelques lettres, Félix Klein a compris à qui il causait. Et cet échange de lettres, il y a une trentaine de lettres entre ces deux-là, c'est une lecture assez passionnante, puisqu'on voit, c'était une époque où les Allemands et les Français ne s'aimaient pas beaucoup en plus. Hein, donc c'était une époque intéressante. Et on voit que Poincaré, qui parlait parfaitement l'allemand, écrivait en français. Klein, qui parlait parfaitement le français, écrivait en allemand. Et cette correspondance est assez fascinante de respect mutuel, mais aussi de compétition sur les groupes fuchsiens et les groupes kleiniens. On peut avancer encore un peu sur les contributions de d'Henri Poincaré. Donc 80, ce sont les fonctions fuchsiennes à l'âge de 27 ans. Il est élu à 33 ans à l'Académie des sciences en 1887 et deux ans après, il va remporter le premier prix du concours proposé par le roi de Suède et de Norvège, Oscar II, avec son mémoire sur le problème à trois corps qui ouvre la porte à ce qu'on va appeler plus tard la théorie du chaos, Étienne Gis. Ça, c'est une belle histoire, puisque Poincaré rédige un grand mémoire de mécanique céleste sur le problème dit des trois corps. Il envoie son mémoire, le jury du prix se réunit et décide que c'est lui qui va gagner le grand prix. Et puis, le prix doit être imprimé, les imprimeurs font les épreuves, l'envoie à Poincaré, et là, Poincaré se rend compte qu'il a fait une erreur. Et il se rend compte que son texte est simplement faux. Et là, on a toutes les lettres. Hein. C'est tout à fait passionnant de voir la réaction d'un grand scientifique comme lui face à l'erreur. Et face à cette erreur, c'est tout à fait remarquable. D'abord, il n'essaye pas de la minimiser. En aucun cas, il n'essaie de la cacher. Et il se met à travailler comme un fou. Et il comprend que son erreur est une erreur cruciale. Et que, en fait, ce qu'il avait envoyé, non seulement c'était localement faux, mais c'était complètement faux. Et il comprend qu'il faut reformuler la question, et en reformulant la question, il prend conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du chaos, et qui est le point crucial de la nouvelle version de cet article. Voilà. C'est une belle histoire de réaction du scientifique face à un manuscrit faux. Christian Bracco, un commentaire justement sur cet épisode du concours du roi de Suède et de Norvège. Non, comme le dit Monsieur Gis, en fait, c'est de l'erreur finalement que naît finalement une nouvelle théorie. On va justement écouter dans quelques instants la façon dont Henri Poincaré a contribué à ces problèmes dits de mécanique céleste. Et puis on va voir comment, de ces travaux mathématiques ont dérivé d'autres travaux dans notamment le domaine de la physique et ailleurs. Ce sera dans quelques instants. I'm not the only one. Mathématiques de Little Boots à 16h35 sur France Culture, puisque nous parlons de la carrière, notamment mathématiques, mais pas que, d'Henri Poincaré. Nous en parlons avec Étienne Gis, mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et directeur de recherche CNRS à l'unité de mathématiques pures et appliquées à l'École normale supérieure de Lyon, et avec Christian Bracco, qui est maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et chercheur dans l'équipe Histoire des sciences astronomiques du département CIRT à l'Observatoire de Paris. Nous avons donc parlé dans cette première moitié d'émission de Poincaré mathématicien, mais comme nous le disions tout à l'heure, Henri Poincaré est ce qu'on considère aujourd'hui comme un savant universel qui a appliqué ses travaux mathématiques à d'autres domaines, et notamment, il en était question il y a quelques minutes, à la mécanique céleste et en particulier au problème de la stabilité du système solaire, problème qui a été définitivement résolu à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, où vous vous êtes rendu, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, dans ce laboratoire situé à l'Observatoire de Paris, j'ai retrouvé Jacques Lascar, son directeur. Il s'est penché, lui, sur la question de la stabilité du système solaire il y a plus de 30 ans. Depuis les travaux de Poincaré, on sait que le système solaire est chaotique à très long terme. Mais la question est de savoir jusqu'où, que ce soit dans le passé ou bien dans l'avenir, jusqu'où il est mathématiquement possible de connaître avec précision la position des planètes. Alors à son époque, Poincaré ne pouvait techniquement pas donner de réponse, mais avec la puissance de calcul des ordinateurs, c'est devenu possible. En reprenant les travaux de Poincaré, Jacques Lascar a réussi à donner la limite de prédiction à 60 millions d'années. C'est-à-dire qu'au-delà, dans le futur ou dans le passé, et en raison des facteurs de perturbation, il est physiquement impossible de connaître la configuration du système solaire, et cela même si on disposait d'une plus grande puissance de calcul. Poincaré, pour ce qui est du système solaire, il pensait que le système solaire était stable. Alors ça, il l'exprime dans un article de vulgarisation qui date de 1897 et qui est paru pour la première fois dans l'annuaire du Bureau des Longitudes. Alors, il évoque bien les problèmes d'instabilité qu'il a mis en évidence, mais il parle des forces dissipatives qui existent entre les planètes et le Soleil. Il dit « Les astres réels ne sont pas des points matériels et ils sont soumis à d'autres forces que l'attraction newtonienne. Ces forces complémentaires, ce sont les forces dissipatives, devraient avoir pour effet de modifier peu à peu les orbites, alors même que les astres fictifs envisagés par le mathématicien jouiraient de la stabilité absolue. Ce que nous devons nous demander alors, c'est si cette stabilité sera plus vite détruite par le simple jeu de l'attraction newtonienne, c'est-à-dire donc les instabilités qu'il a mis en évidence, ou par ses forces complémentaires. » Il pose vraiment la question, est-ce que c'est finalement les instabilités dues au mouvement chaotique qui vont l'emporter, ou bien la force dissipative ? Et ce qu'il dit ensuite, c'est « sans vouloir citer de chiffres, je crois que les effets de ces forces complémentaires, donc les forces dissipatives, sont beaucoup plus grands que ceux des termes négligés par les analystes dans les démonstrations les plus récentes de la stabilité. » Donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il a mis ces instabilités en évidence, mais il pense qu'il n'a pas fait les calculs, il ne peut pas faire les calculs. Mais il pense en fait que c'est des choses qui vont s'appliquer que sur un système solaire des mathématiciens étudiés en temps infini, et qui n'a pas ses forces dissipatives. Et je pense que c'est aussi parce qu'il ne peut pas imaginer que le système solaire soit instable. C'est vraiment un problème intrinsèque du système qui vient de la complexité des mouvements. C'est-à-dire, Poincaré décrit un petit peu ça, il dit « On sera frappé par la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. » Et en fait, il dit ça... Et puis en même temps, il la décrit, cette figure. Donc on montre un entrelacis. En fait, c'est l'intersection de ce qu'on appelle les variétés stables et instables liées à des points hyperboliques. Donc là, peu importe, mais en tout cas, Poincaré le décrit. Il dit « Ces intersections forment une sorte de treillis, de tissu, de réseau à mailles infiniment serré. Chacune des deux courbes ne doit jamais se recouper elle-même. » Mais elle doit se replier sur elle-même d'une manière très complexe pour venir recouper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette description de cette complexité, en fait, elle est parfaite Et si on fait une figure sur ordinateur, maintenant qu'on peut faire, on retrouve exactement ce qui est décrit par Poincaré. On en vient à douter s'il ne l'a pas quand même esquissé un petit peu sur un papier, cette figure, pour la décrire aussi bien. Donc, et c'est dans cette intrication que existent ces solutions chaotiques. C'est-à-dire que si, dans une, par exemple, si je prends le cas du système solaire, maintenant on sait que le système solaire est chaotique avec un temps de divergence qui est de 10 millions d'années. En fait, on multiplie l'erreur par 10 tous les 10 millions d'années. Donc si j'ai 15 mètres d'erreur aujourd'hui, j'ai 150 mètres d'erreur au bout de 10 millions d'années, ça c'est rien du tout, mais au bout de 100 millions d'années, j'ai 150 millions de kilomètres d'erreur. Donc je ne pourrai jamais prédire le mouvement des planètes sur 100 millions d'années. Et même avec la puissance de calcul dont on dispose, jusqu'où on peut quand même espérer avoir une valeur de prédiction à la fois dans l'avenir et dans le passé pour rendre compte des trajectoires des planètes et faire état d'une stabilité ou non, qu'elle soit transitoire ou pas? Alors, le seul problème, c'est de savoir quelle est l'amplitude de ces instabilités. On montre l'existence, maintenant, quelle est la taille de ces instabilités? Et en fait, le calcul, justement, et ça n'a pu être fait qu'avec les ordinateurs, hein, c'est le calcul que j'ai effectué il y a 30 ans, en 1989, même il y a plus de 30 ans. Et donc, la découverte a été qu'en fait, le mouvement du système solaire était chaotique. Et donc, contrairement à ce que Poincaré pensait, ces instabilités sont effectivement fortes et empêchent de prédire le mouvement du système solaire. Alors, ce qu'on a montré depuis, c'est que c'est même plus grave que ça, parce que les perturbations par les plus gros astéroïdes, comme Cérès et Vesta, vont limiter même la possibilité de prédire à 60 millions d'années. Au bout de 500 000 ans, ces astéroïdes, Cérès et Vesta, on ne connaît plus leur position. On ne sait plus quelle est la perturbation qu'ils exercent sur les planètes, et ça entraîne une incertitude qui va augmenter exponentiellement et induire une incertitude totale sur les mouvements des planètes et de leurs orbites au bout de 60 millions d'années. Voilà le reportage de Céline Lausanne à l'Institut de mécanique céleste et sur ces travaux de Poincaré. Un mot, peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, Étienne Gis. Oui, Jacques Lascar décrit très bien ce texte de Poincaré dans lequel il dit « Je ne tente même pas de dessiner ce treillis ». Et plus tard, Jacques dit « Je pense qu'il l'avait en fait dessiné ». Je voudrais juste ajouter un point historique, c'est que Poincaré, il voyait rien du tout. Il avait une vue catastrophique et il était absolument nul en dessin. Et c'est une chose qui peut avoir une importance dans sa conception des mathématiques. On dit, par exemple, que lors des conférences, il ne regardait jamais ce qui était écrit au tableau, il se mettait au fond de la salle, il écoutait. Donc c'était quelqu'un qui était très peu visuel. Pour vous donner un exemple très simple, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il a eu un résultat brillantissime à l'école polytechnique, mais il a eu un zéro en dessin d'art. Sachant que le zéro est éliminatoire à l'école polytechnique, ça a été un cas historique où le jury a dû transformer son zéro en un 0,5, histoire de qu'il soit quand même reçu premier. Mais je pense que c'est une chose intéressante. Poincaré était un personnage qui avait probablement de grandes difficultés visuelles, peut-être aussi auditives. D'ailleurs, un livre a été écrit par un médecin, le professeur ou docteur Toulouse, qui essaye de comprendre la psychologie de Poincaré. C'est un livre très intéressant. Et en particulier, il le teste auditivement, visuellement. Et ce que le docteur Toulouse conclut, c'est que Poincaré n'y voit rien, mais qu'il a des images mentales. Voilà, c'est tout à fait intéressant, je trouve. Oui, des examens qui fait vers la fin de sa vie, vers l'année 1910. Un mot également, Christian Bracco, une réaction à ce reportage et au propos de Jacques Lascar. Poincaré est effectivement connu pour ses trois ouvrages de mécanique céleste, dans lesquels en fait il reste y compris encore aujourd'hui des choses à appréhender de manière plus précise, hein, parce que effectivement c'est un ouvrage extrêmement dense, avec des présentations, on va dire, magistrales, hein, notamment au début d'un des ouvrages sur les principes variationnels de la physique. Il y a vraiment une présentation magistrale de Poincaré. On peut peut-être ajouter quelque chose qui illustre un peu cette situation, c'est que Poincaré en fait a fait deux séries d'ouvrages sur la mécanique céleste. L'une était extrêmement théorique, c'est celle qu'on présente en général. Mais en parallèle, il a écrit d'autres ouvrages qui, pour le coup, étaient destinés à des astronomes praticiens, avec comment on fait les calculs, comment on met en place les calculs d'orbite planétaire. Donc il y avait toujours chez lui ce côté double. En même temps, je pense à la théorie, et je peux vous dire que la théorie, il y en a, hein, c'est souvent très très abstrait. Et puis en parallèle, il écrivait aussi pour les expérimentateurs, et même, on en parlera peut-être après, même pour le grand public. Il avait cette capacité de décrire ses travaux et les travaux des autres, souvent de manière triple, pour les chercheurs, pour les chercheurs d'autres disciplines, éventuellement expérimentateurs, et pour le public. Et je trouve ça assez extraordinaire. On parlera, oui, dans quelques minutes de ces travaux de vulgarisation. J'aimerais tout de même qu'on dise un mot, peut-être avec vous, Christian Bracco, de ces incursions, justement, dans le domaine de la physique. On a parlé, de ces travaux en termes de mécanique céleste. On peut peut-être aussi redire un mot de tout ce qui va, on l'a abordé au début, mais de tous ces travaux qui vont partir des équations et des théories des théories de Maxwell pour arriver progressivement vers ce qui va approximer, ou en tout cas vers la conception d'une forme de relativité et de conclusion autour de la constante fondamentale qu'est la vitesse de la lumière. Oui, alors déjà, juste pour préciser qu'effectivement, il y a un lien de Poincaré avec les physiciens, hein, puisque Poincaré, notamment, sera président de la Société française de physique en 1901, hein, pour un mandat d'un an, comme il se doit. On peut préciser qu'il est titulaire de la chaire d'astronomie mathématique et de mécanique céleste à la Faculté des sciences de Paris dès 1897. À ma connaissance, il n'a jamais été professeur de mathématiques. Ce qui est le con. Il était avant tout un mathématicien, mais il enseignait de la physique. Ouais, ouais. C'est tout à fait intéressant. Voilà, c'est ça, de la physique, et une physique, on va dire, à une époque où on sort de la physique mathématique pour aller vers la physique théorique, et c'est ce changement-là qui est important. Alors par rapport à ses travaux, donc c'est essentiellement par rapport à Lorentz, en fait. Ouais. Poincaré avait eu l'occasion de travailler dans ses cours sur la théorie de Lorentz, notamment la deuxième édition de son volume Électricité et Optique en 1900. Et il est invité en fait par Eike Kermeling-Ohns, donc le physicien hollandais, à participer au 25e anniversaire de la thèse de doctorat de Lorentz. Et en septembre 1900, Ohns lui demande s'il a quelque chose à proposer, donc un article, hein, puisque le but c'est d'avoir un recueil de 700 pages avec des contributions de dizaines de physiciens internationaux. Et Poincaré prend le temps de répondre, il lui répond un mois plus tard en disant que oui, il a pensé à quelque chose, qu'il allait pouvoir l'envoyer, et 3 semaines plus tard, il envoie son manuscrit. Donc c'est un article d'une vingtaine de pages, dans lequel il va déjà résoudre un problème qui se pose dans la théorie de Lorentz de 1895, dans laquelle Lorentz, en fait, a mis en perspective la théorie de Maxwell en reliant, en donnant une image, en fait, des sources des champs électriques et magnétiques sous la forme de charges matérielles qui sont libres de se déplacer dans l'éther. On est en 1895, on est quelques années avant la découverte, on va dire, officielle de l'électron. Et donc le problème que repère Poincaré, mais que d'autres avaient repéré également, notamment Alfred Lienard, que connaissait Poincaré aussi, c'est que cette théorie de Lorentz, dans laquelle les champs électriques et magnétiques sont des états de l'éther, ces champs agissent sur les charges par l'intermédiaire de la force de Lorentz, mais en retour, les charges n'agissent pas sur l'éther. Et donc, le principe dit de la réaction n'est pas satisfait, il est violé. Et pour Poincaré, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas conservation de la quantité de mouvement. Et donc, il va s'en sortir en introduisant, en fait, en disant qu'il faut introduire une densité de quantité de mouvement pour l'énergie électromagnétique. Plus loin, il va continuer un petit peu pour l'interprétation des nouvelles transformations qu'a donné Lorentz, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais cette théorie de Lorentz, elle est là pour expliquer pourquoi on n'arrive pas à détecter le mouvement de la Terre dans l'éther, oui. Y compris en faisant des expériences d'optique ou des expériences plus générales qui dépendent du champ de l'électrodynamique. Donc en fait, ça veut dire que aussi bien un système en mouvement qu'un système au repos, on peut faire des changements de variables pour ramener le système en mouvement au repos, et à ce moment-là, on a la même forme des équations différentielles qui régissent la dynamique des champs, hein, donc les équations dites de Maxwell. Mm-hmm. Donc, ce qui est sous-jacent là-dedans, c'est que le temps n'est plus absolu. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une variable T' qu'introduit Lorentz qui va dépendre, en fait, de l'endroit où on se place. Il appelle ça le temps local. Pour lui, c'est une variable fictive. Et dans cet article de 1900, Poincaré va montrer que c'est le temps qu'indiquent les montres d'observateurs qui se sont synchronisés par échange de signaux lumineux. Alors attention, hein, on est au premier ordre en V sur C, hein, c'est pas une explication générale à tout ordre, comme le fera Einstein plus tard, hein, mais on est au premier ordre en V sur C. Et donc, il montre que c'est ce défaut de synchronisation, parce que les observateurs ignorent leur mouvement dans l'éther, que résulte en fait ce temps local. Et il l'utilise pour regarder les transformations de certaines quantités. Et juste pour terminer, donc en 1905... rebelote, en quelque sorte. Lorentz a produit une nouvelle théorie en 1904. Poincaré en prend connaissance un peu plus tard. Et il y a un échange de lettres avec Lorentz dans lequel il essaie de surmonter les nouvelles difficultés qui se rencontrent. Et la difficulté principale va porter, en fait, sur ce qu'il appelle la dynamique de l'électron. C'est le titre de son article, d'ailleurs, le Mémoire de Palerme, hein, la dynamique de l'électron. C'est parce que Lorentz fait l'hypothèse qu'un électron, quand il se déplace dans l'éther, va être aplati, il va être contracté, mais son électron n'est pas stable. Et Poincaré, tout son travail va être de trouver un modèle d'électron stable et qui se contracte à la manière de l'électron de Lorentz pour satisfaire au principe de relativité. Et donc pour faire ça, il va utiliser les transformations de Lorentz à qui il va donner ce nom-là. Il va montrer leurs propriétés de groupe de transformation sur lesquels Monsieur Gis pourra dire plus de choses, mais qui ont trait en fait aux propriétés de translation et de rotation de déplacement en fait de ces transformations. Et il utilise donc des transformations sous forme active, hein, il ne change pas de référentiel en 1905, hein, il fait agir la transformation sur son objet. Donc ça aussi, c'est assez peu standard, hein, c'est pas comme ça qu'on en a appris la relativité. Il utilise des outils très puissants, comme je disais en introduction, d'action et d'invariance de l'action par un groupe de transformations. Mmh. Voilà. Alors, on va essayer de résumer ça en un mot, peut-être Étienne Gis, ou de clarifier un peu ce que vient de nous raconter Christian Bracco en détail. Comment est-ce que finalement Poincaré, justement, via ses échanges avec Lorentz, aboutit à une formulation mathématique de ce que Einstein généralisera plus tard comme étant la relativité restreinte. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant même qu'il ne rencontre Lorentz et qu'il interagisse avec Lorentz, il était mûr pour tout ça. Hein, toute sa carrière, on parlait de groupe, de symétrie, de référentiel. Tous les articles de Poincaré, depuis les groupes fuchsiens jusqu'à son décès, les groupes étaient omniprésents dans sa carrière. Et d'ailleurs, souvent, on dit toujours, Poincaré disait, les mathématiques ne sont qu'une histoire de groupes. Et les groupes, c'est les symétries, les déplacements, etc. Et la relativité, c'est précisément regarder une chose d'un point de vue ou d'un autre, c'est vraiment le sens de la théorie des groupes. Mmh. Peut-être que je peux donner un exemple que j'aime bien, puisqu'on va peut-être parler un peu rapidement de ces travaux de philosophie et de vulgarisation. Une histoire qui lui a porté tort, en fait. Il prend l'exemple suivant. Imaginons que la Terre soit entourée par des nuages qui sont toujours obscurs et qui font qu'aucun homme n'aurait jamais vu les étoiles. Alors il se pose la question, est-ce que dans ce monde, qui est tout à fait raisonnable, après tout, on peut très bien imaginer qu'il y a une couche de nuages opaques, est-ce qu'on aurait découvert que la Terre tourne? Parce qu'après tout, nous avons compris que la Terre tourne en observant les étoiles. Et il en conclut que non, probablement qu'on n'aurait jamais compris que la Terre tourne, simplement on aurait inventé une force qu'on aurait appelée la force de Coriolis, qui se combine avec une Terre fixe, et qui permet, de la même manière que la force de gravitation ou la force électrique, de décrire la réalité. Et il explique que dans ce monde fictif, où on croit que la Terre est fixe, mais en fait elle tourne, mais on explique des phénomènes avec une autre force, ben il explique que on dirait des choses vraies avec une théorie physique moins commode que ce qu'on apprend en physique aujourd'hui. Et le pauvre Poincaré, quand il a expliqué ça dans un article de philosophie, on peut dire, c'est la base de ce qu'on appelle le conventionnalisme. Dans cet article, il explique tout ça, et les journaux les collègues, tous se sont attaqués, ont attaqué Poincaré en disant qu'il était en train de défendre l'Église contre Galilée, et que lui, Poincaré, qui d'habitude était un homme toujours très, très gentil, qui s'énervait jamais, là, il était très mécontent qu'on ose dire que Poincaré avait affirmé que la Terre ne tournait pas. Donc voilà, c'est un peu une espèce de point de vue, de regarder les choses différemment, des repères différents, qui a fait partie de toute la vie de Poincaré, de regarder les choses d'un point de vue ou d'un autre. C'est un peu la source de la relativité. Et la question des référentiels, bien sûr. Pour conclure, alors évidemment, il ne nous reste pas assez de temps, par justement cette question, ou en tout cas cette approche de la philosophie des sciences que vous venez bien d'initier un peu, Étienne Gis, trois ouvrages qu'il publie au début du XXe siècle chez Flammarion, La science et l'hypothèse, La valeur de la science, et Science et méthode, qui sont des ouvrages qui se vendent énormément. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. 40 000 exemplaires. C'est incroyable parce que je vous garantis qu'ils ne sont pas faciles à lire. Hein. Et ils ont eu un succès phénoménal. Et en plus, on peut penser que chez Poincaré, il n'y avait pas vraiment de limite entre vulgarisation et philosophie. Ce sont deux concepts différents aujourd'hui. Hein, quand on y pense en 2022, ce sont deux activités différentes. Eh bien, dans l'esprit de Poincaré, il n'y avait pas vraiment de différence, me semble-t-il. Et donc, on avait ces ouvrages à succès majeur, et il faut bien le dire, dont beaucoup de chapitres sont incompréhensibles pour le néophyte. Voilà. Christian Bracon, un mot de conclusion justement sur ces ouvrages et cette approche de la philosophie vulgarisatrice chez Poincaré. Ah bah écoutez, je vais tout à fait dans le sens d'Étienne Gis, hein. C'est le mathématicien, collègue et ami de Poincaré qui avait été aussi second, je crois, au concours général de mathématiques quand Poincaré était premier, hein. Ils étaient tous les deux dans la même classe au lycée à Nancy. Paul Appel disait que en fait beaucoup de gens avaient beaucoup apprécié en fait les écrits de Poincaré, justement de philosophique ou de vulgarisation, mais qu'en fait il fallait se méfier, hein, et que pour bien comprendre ce que disait Poincaré, il fallait avoir un solide bagage scientifique, parce qu'effectivement les phrases sont belles à lire, et ce qui a valu d'ailleurs à Poincaré d'entrer à l'Académie, mais bon, ce sont un peu des phrases à tiroir avec des doubles négations qui se terminent par un point d'interrogation, donc il faut être un petit peu, comment dire, averti pour vraiment voir où en venir Poincaré parfois. J'aurais voulu terminer en posant une question à Nicolas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour faire de la bonne vulgarisation, est-ce qu'il faut être compréhensible, ou est-ce qu'une part de vulgarisation est possible avec des choses tellement compliquées que l'auditeur pense que c'est intéressant parce que j'y comprends rien? Eh bien, je pense tout à fait ça. Je pense que parfois, quand on vulgarise, on peut aller un peu dans le grand bain, et même si on ne comprend pas tout, on comprend d'une autre façon, on appréhende d'une manière différente, on n'a pas besoin de toujours tout comprendre. Donc, c'est important de ne pas toujours tout comprendre. Donc vous faites comme Poincaré. À mon modeste niveau, merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci Étienne Gis, merci Christian Bracon d'être venu nous parler d'Henri Poincaré. Merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique, à qui on souhaite un bon rétablissement pour une bonne partie d'entre eux. Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Imamel Boucherka, Natacha Triou, Noïme Naguetzin, Villefranc, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation, Jacques Azubert à la technique. Comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr, et ce à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, si fin des temps il y a, jusqu'à preuve du contraire.